Chapitre 6e, Sir Francis Levison chez lui. Tout ce qui est contre le cours ordinaire de la nature nous surprend. Et cependant l'homme ne marche-t-il pas sans cesse ici-bas de surprise en surprise ? Sir Francis Levison, après avoir été l'un des plus fougueux Tories de l'Angleterre, s'était subitement rangé dans les rangs de l'opposition, était devenu l'un des radicaux les plus avancés. À la nouvelle de cette métamorphose, ses amis ouvrirent de grands yeux, et de tous côtés on se demanda ce qui avait pu l'exciter à déserter ainsi, et d'une manière aussi brusque, le parti de ses ancêtres. La raison en est facile à comprendre. Sir Francis Levison s'était plongé dans de très grands embarras pécuniaires, et pour en sortir, il ne voyait d'autre remède que celui d'abdiquer ses opinions politiques, si tant est qu'il n'en eût jamais possédé, et de flatter les radicaux dans l'espérance d'en obtenir quelques bonnes sinécures. À peine avait-il hérité de la fortune que lui laissait Sir Peter, qu'il s'était mis à la dissiper en dépenses désordonnées. Depuis lors aussi, il s'était marié. Il avait épousé la sœur même de cette Blanche Challoner, qu'il avait si indignement trompée, et ce mariage n'avait fait que hâter sa ruine, car parti de cette époque, il avait tenu maison ouverte, et s'était adonné corps et âme au plaisir dispendieux des courses, des paris et du jeu. En vérité, il ne lui restait plus maintenant que des dettes, et comme il ne jouissait d'aucune considération dans le pays, l'on n'était guère disposé à lui faire crédit ou à lui avancer l'argent dont il avait besoin. C'est alors qu'en désespoir de cause, il sollicita le poste de secrétaire auprès de Lord Hathelot, le chef du cabinet actuel. Grâce à sa parenté avec ce Lord Hathelot, grâce aussi à l'engagement qu'on lui fit prendre d'entrer au Parlement et de soutenir par son vote le ministère, il obtint ce qu'il demandait. Or, par une après-midi toute pleine de rayons de soleil, dans un des quartiers les plus aristocratiques de Londres, au milieu d'un magnifique salon, était assise une femme jeune et jolie, aux yeux bleus, aux cheveux blonds et au teint délicat. En juger par sa tête penchée, par son air triste et abattu, par ses traits bouleversés, il était facile de comprendre qu'un chagrin violent la dévorait, et de temps en temps, son impatience et son irascibilité se trahissaient par le trépignement de ses petits pieds. Cette jeune femme n'était autre que Lady Levison. Depuis 3 ans déjà, elle avait enchaîné son sort à celui de Sir Francis et l'amour qu'elle avait autrefois ressenti pour cet homme, s'était maintenant changé en mépris et en horreur. Un petit garçon âgé de 2 ans, le seul enfant qui fut né de cette union, jouait et courait en gambadant tout autour de la chambre. Sa mère ne paraissait nullement se préoccuper de lui. Elle semblait entièrement absorbée dans de pénibles pensées qui mettaient ses lèvres en mouvement et lui faisaient froncer les sourcils. Tout à coup, au bruit d'une porte qui s'entr'ouvrait, elle se redressa fièrement et l'aperçut devant elle, Sir Francis Levison. « J'ai besoin d'argent, » fit-elle subitement en l'apostrophant avec arrogance. « Vraiment ?» se contenta de répondre Levison. « Eh bien, c'est comme moi. Il m'en faut et j'en aurai. » reprit la jeune dame, d'un ton de voix de plus en plus impérieux. « Je vous l'ai dit hier, je vous le répète aujourd'hui, il m'en faut. Pensez-vous que je puisse demeurer ainsi, sans un sou dans la maison ?»« Toujours la même chanson !» répliqua froidement le mari. « À quoi bon vous emporter de la sorte ? Puis-je faire l'impossible ? Vous pourriez tout aussi bien demander de l'argent à ce gamin que de m'en demander à moi. Ah, cet enfant ! » s'écria-t-elle avec rage. « Pourquoi Dieu nous l'a-t-il donné ? Ou plutôt, pourquoi Dieu lui a-t-il donné un tel père ?» Levison, qui jusqu'alors avait contenu sa colère, fut sur le point de la laisser éclater. Mais en ce moment, un domestique pénétra fort heureusement dans la chambre. « Veuillez m'excuser, monsieur, » dit ce dernier, « mais cet homme, ce Brown, est entré de force dans la maison. Assez ! » interrompit brusquement Sir Francis. « Assez, vous dis-je, je vous défends de le laisser monter. » Et en parlant ainsi, il tremblait. Et à la hâte, il se mit à battre en retraite dans l'un des coins les plus obscurs du salon, et Lady Levison, qui devinait sa frayeur, lançait sur lui un regard de dédain et de mépris. « Nous nous en sommes débarrassés, » poursuivit le domestique, « mais cela n'a pas été sans peine. Je vous en réponds. Maintenant, je viens vous annoncer que durant ce débat, M. Meredith s'est introduit ici. Il est allé s'installer dans votre bibliothèque, et il jure qu'il ne sortira point avant qu'il vous ait vu. » Tous les traits de Levison se contractèrent et il manifesta sa mauvaise humeur et sa répugnance par un rechignement caractéristique. Puis il quitta précipitamment le salon. Or, il est bon que l'on sache que depuis 2-3 jours, Sir Francis Levison avait enjoint aux domestiques de la maison de ne permettre, sous aucun prétexte, que quelqu'un pénétrât chez lui. Il avait dans ce but fait dire qu'il était gravement malade, et en moins de quelques heures, la nouvelle de cette maladie prétendue s'était répandue de tous côtés. Ceci, on le comprend, n'était qu'une excuse pour échapper aux poursuites de ses nombreux créanciers. « Par ma foi !» s'écria M. Meredith dès qu'il le vit apparaître dans la bibliothèque. « Je vous croyais à la mort. Vous avez une mine superbe. »« Je vais mieux !» fit Sir Francis en s'efforçant de tousser. « Vous avez mal choisi votre moment pour être malade !» poursuivit M. Meredith, qui n'était autre qu'un agent du ministère. « Une place est devenue vacante au Parlement. Eh bien, après ?»« Eh bien, mais nous comptons sur vous. Il faut vous offrir comme candidat. »« C'est impossible. Il s'agit de représenter Westline. » « Justement. Et puisque vos propriétés sont situées près de Westline, vos chances sont des meilleures. N'importe. Je ne puis me mettre sur les rangs. Meredith, vous devez le comprendre. »« Songez-y bien, Levison, » insista l'agent du ministère. « Il y va de votre avenir. »« J'ai vu Hatfelot ce matin. Il est furieux de ce que vous ne vous êtes pas encore mis en campagne et il veut que vous partiez sur le champ solliciter les suffrages des électeurs. »« Je vous le répète, cela ne se peut. »« Alors il faut vous résigner aux conséquences. » Vous perdrez votre poste et Thornton deviendra notre candidat. » Sir Francis ne répondit point. Il semblait en proie à la plus vive anxiété. « Je comprends que vous éprouviez quelque répugnance à vous montrer à Westline, » continua M. Meredith, « après l'événement dont vous avez été le héros. Mais à l'heure qu'il est, on ne songe plus à cette affaire. Voyons, est-ce oui ou non ?»« Suis seul à solliciter la place vacante ?» demanda Levison. « Non, vous avez un adversaire. Lequel ?»« Carlyle. »« Carlyle ?» répéta Sir Francis au comble de l'étonnement, « mais je ne puis aller contre lui. »« Alors nous engagerons Thornton à se présenter, » ajouta M. Meredith. « Ce que vous me proposez là est ridicule. Westline ne voudra pas de moi dès qu'on saura que Carlyle est sur les rangs. Soyez sans crainte, nous avons des fonds et je vous réponds du succès. Voyons, est-ce entendu ?»« J'accepte, » fit Sir Francis. Quelques instants après, Levison quitta la maison. Était-ce pour se rendre à Westline ? Non. Il dirigea ses pas vers le principal bureau de police à Londres, et là il fit adresser la dépêche suivante au chef de la police de Westline. « Sait-on où est Otway Bethel ? S'il n'est pas actuellement à Westline, y viendra-t-il bientôt ?» Puis il attendit la réponse. Elle ne tarda pas à arriver, et voici en quels termes elle était conçue. « Otway Bethel n'est pas à Westline, on le croit en Norvège. » De retour chez lui, Levison se présenta devant sa femme pour lui annoncer qu'il allait s'absenter pendant quelques jours. Mais Lady Levison ne lui laissa pas le temps de s'expliquer. Elle avait tout appris durant sa courte absence. « S'il vous reste au fond du cœur une étincelle d'honneur, » s'écria-t-elle en le regardant fixement, « vous vous tuerez plutôt que de vous rendre coupable d'un acte si infâme. »« Je sais, » continua-t-elle avec véhémence, « je sais quels sont vos projets. Je sais que vous allez disputer à M. Carlyle un titre qu'il mérite et dont vous êtes indigne. Il faut en vérité que vous soyez bien hardi, bien effronté. Taisez-vous !» cria Sir Francis avec colère. « Non, je ne me tairai point. Il y a trop longtemps que vous cherchez à m'imposer silence. Je parlerai. Oui, je parlerai maintenant. Et cela pour vous dire que je vous abhorre, que je ne puis vous voir sans éprouver aussitôt une sorte de frissonnement, et que j'implore Dieu, nuit et jour, de m'aider à trouver un moyen de séparer mon existence de la vôtre. « Vous eussiez mieux fait de me laisser épouser Blanche, votre sœur, » répliqua-t-il en ricanant. Lady Levison se tordait les mains, en proie à la surexcitation la plus grande. « Songez-y, il en est encore temps, » continua-t-elle. « C'est une insulte des plus graves que vous allez faire, Monsieur Carlyle. »« Et que vous importe ce Carlyle? Le connaissez-vous seulement ?»« Oui, je le connais, de réputation du moins. Je sais qu'il est doué d'une nature généreuse et noble. Je sais qu'il a de nombreux et fervents amis. Je sais que jamais contraste plus grand n'a existé en ce monde que celui qui existe entre votre nature et la sienne. » Et c'est justement parce que ce Carlyle est mon adversaire, que j'ai plaisir à me présenter aux élections. Cela me stimule, cela m'aiguillonne. Je ferai tout en mon pouvoir pour le faire succomber. Prenez garde que vous ne succombiez vous-même. La fortune ne favorise pas toujours les méchants.